Chapitre 25e, le dénouement. Lorsqu'ils arrivèrent à la pension suisse, ils furent surpris de voir la police remplir les corridors de l'hôtel. Un sinistre pressentiment les saisit, et le cœur serré, sans mot dire, ils se précipitèrent vers la chambre de Fernande. Selon les habitudes de tous les agents du monde, les agents laissèrent passer les deux nouveaux venus, entre qui veut dans une souricière. Pénétrant dans l'appartement de Fernande, Armande vit l'antichambre remplie de monde, on lui barrait la route. Il ne douta pas qu'un malheur ne fût arrivé. À coups d'épaule, il se fit passage et pénétra dans la chambre à coucher de la jeune fille. Une scène affreuse s'offrit à ses yeux. Sur son lit, Fernande étendue, livide, morte, exsangue, ayant à la tempe une goutte de rosée pourpre. Sur un fauteuil, Maddeo, ou plutôt le Fulminante, revolver au poing, mais les bras inertes et le front fracassé. Autour d'une table, des magistrats dressant un procès-verbal. Armand, fou de désespoir, se jeta sur le corps de Fernande et le couvrit de baisers. Les agents voulurent l'arrêter, mais M. Le Noël dit un mot au magistrat et ceux-ci firent signe à leurs subordonnés qui sortirent. Le jeune homme, écrasé par l'émotion, laissa retomber la morte sur le lit funèbre et la roulait en chancelant sur une chaise, pleurant comme un enfant. M. Le Noël allait déposer un baiser sur le front de Fernande, puis, revenant vers les magistrats, il les questionna. Ceux-ci lui montrèrent une lettre, suprême adieu du Fulminante à la vie, à la gloire étrange des héros de la montagne, à l'amour qu'il avait rêvé. M. Le Noël apprit alors l'épouvantable vérité. Le Fulminante avait surpris le vampire hideux, penché sur le front de Fernande et suçant la tempe, la dernière goutte de sang de la jeune fille. Le monstre, glissant des mains du Fulminante, avait bondi vers la fenêtre ouverte, avait gagné les toits par des prodiges d'adresse et de légèreté. Il avait disparu. Alors, le célèbre roi des montagnes avait écrit ce qui s'était passé en quelques lignes. Il terminait ainsi. « Placé par ma volonté au-dessus des lois, en dehors de la société, échappant à ses tribunaux, il me reste un juge, moi. J'ai voulu cette femme et je n'ai pas pu la sauver des dangers qui la menaçaient. Elle a péri par ma faute, je me condamne à mort. » Et il s'était tué. Les magistrats reçurent la déclaration de M. Le Noël et d'Armand, attestant que c'était bien le Fulminante dont le cadavre était là. Sous leurs yeux, donnèrent l'ordre de l'enlever. Le lendemain même, une foule innombrable de Lazzaroni et de gens du peuple escortait un convoi très simple. C'était celui du Fulminante qui, malgré ses crimes, restait l'idole de Naples. Le peuple est ainsi fait. Il admire l'audace, même chez les brigands. Trois jours après le crime, un autre enterrement sillonnait les rues. À celui-là, 100 000 personnes assistaient et on y comptait plus de 1 000 voitures, y compris celle du préfet, représentant l'autorité royale. La cité entière voulait rendre un dernier hommage à cette jeune fille que tous les Napolitains avaient admirée, que cette ville artiste adorait et que, vivante, on salua Rennes par sa beauté incomparable. Armand et M. Le Noël marchaient derrière le cercueil jonché de roses blanches. Sur le passage, les voix amies lançaient des paroles de pitié et de sympathie. Lorsque la cérémonie fut terminée, quand une montagne de fleurs eut caché la tombe provisoire, quand Naples eut défilé en larmes devant la morte regrettée, Armand et M. Le Noël reprirent silencieux et désolés le chemin du port. Sur la route, un homme, un vieillard, les arrêta demandant l'aumône. Il avait le chapeau rabattu sur les yeux, un bandeau sur le menton et sur les oreilles, l'air misérable, et il était déguenillé. Armand lui fit l'aumône. À peine avait-il repris sa marche qu'il entendait derrière lui, sur la route, le bruit d'un cheval. Il se retourna. Le mendiant sautait en selle sur un magnifique alezan qui venait de lui être amené d'une rue voisine par un enfant. Armand entendit alors le cavalier lui crier « Regardez dans votre poche, signor !» L'homme avait relevé son chapeau, arraché son bandeau. C'était Cascario. Il salua, piqua les deux et disparut. Armand chercha ses poches et y trouva un écrin. Il l'ouvrit. Il contenait l'anneau du Fulminante. Sur le velours, une bande de papier était piquée et portait ces mots. « Par mon ordre, au plus digne, à mon rival Armand, le Fulminante. » Armand, rêveur, quelque profond que fût son chagrin, songea à cette étrange royauté de la montagne qui venait de lui échoir. « Que ferez-vous ? » demanda M. Le Noël. le jeune homme répondit par le proverbe italien. Qui le sait ? Qui le sait ? Le lendemain, il reprenait le chemin de Paris avec M. Le Noël et emmenait le cercueil contenant le corps embaumé de Fernande. 2 ans se sont écoulés. Tous les héritiers de l'immense fortune que Madame de Burnerhoff convoitait avec tant d'acharnement sont morts, sauf deux, Armand et M. Le Noël. La comtesse a cessé toute tentative contre eux. Cependant, ils ont vécu sans se cacher. Ils ont repris possession de leur petit hôtel de Neuilly. M. Le Noël s'est remis à pêcher comme jadis. Armand travaille avec un acharnement sombre. Chaque jour, il va déposer avec M. Le Noël une fleur sur la tombe de Fernande, dans le petit cimetière de la ville. Rien ne l'a consolé. Rien ne saurait l'émouvoir. Il croit l'avenir à jamais fermé devant lui. Il ne compte que sur une distraction possible, l'étude. Il n'a plus d'ambition, n'ayant plus d'amour. Cependant, la nouvelle de la constatation officielle de la mort du duc enseveli dans une pyramide est arrivée. La succession est ouverte. Avant peu, Armand et M. Le Noël la recueilleront, car un arrêt des tribunaux a exhérédé Yali chez la comtesse comme coupable du meurtre de leurs parents. La possession prochaine des millions n'a pas ému ce jeune homme qui a devant lui de longues années, mais qui sent toute espérance bannie pour lui. M. Le Noël trouve la somme si écrasante qu'il la regarde comme un lourd fardeau. Telle est la situation lorsqu'un soir, à 9 heures, Armand revint de Paris. M. Le Noël étant encore en train de pêcher des écrevisses à la balance. Le jeune homme fut étonné de ne trouver personne pour le recevoir. Il monta dans sa chambre et fut stupéfait en y apercevant un berceau et un enfant couché dedans. Une carte de visite était piquée sur les rideaux. Armand y lut ces mots. « Votre fils. » La carte était celle de Madame de Burnerhoff. Armand éprouva en quelques secondes le choc de sensations violentes et contradictoires. Enfin, il se pencha pour voir son enfant. Le père venait de triompher en lui. Il poussa tout à coup un cri déchirant. Il tenait dans ses bras un charmant petit bébé, mais glacé, mais sans souffle, mort enfin. À son cri désolé, un autre avait répondu. La comtesse qui avait gagné les domestiques pour déposer là ce berceau. La comtesse qui avait compté obtenir son pardon en se présentant mère devant son amant. La comtesse qui croyait son enfant vivant accourait. Elle voyait au front de son fils la même tache de sang qu'Armand avait vue à la tombe de Fernande. Armand, fou de colère, superbe d'indignation vengeresse, saisit un poignard à sa panoplie et le plongeant dans le cœur de la comtesse dit « La justice de Dieu a frappé ton fils parce que tu as tué Fernande, et moi, je venge mon enfant. » La comtesse tombait mortellement atteinte. En cet instant même, un bruit de voix retentissait dans l'escalier, et Armand entendit M. Le Noël qui criait « Je le tiens ! À moi, Armand, j'ai pris le vampire ! À moi !» Armand se précipita dans l'escalier et vit M. Le Noël qui maintenait le monstre. Voici ce qui était arrivé. Le vampire avait suivi sans doute la comtesse à son insu. Celle-ci, à laquelle les domestiques avaient livré la maison, gagné qu'ils étaient à prix d'or, celle-ci, disons-nous, avait fait déposer le berceau dans la chambre et congédié tout le monde. Le vampire caché dans quelque coin obscur épiait cette scène. Lorsque la comtesse était retirée dans une pièce voisine, attendant très émue l'arrivée d'Armand et ce qui adviendrait de cette tentative, le vampire s'était glissé dans la chambre, avait suivi ses instincts sanguinaires et bu le sang de l'enfant. Puis, il s'était retiré dans une espèce de hangar où il s'était tapi derrière une pile de bois, cuvant son ivresse et pris de la torpeur qui le saisissait invinciblement quand il avait commis un de ses meurtres. M. Le Noël, en rentrant de la pêche, avait précisément dirigé ses pas vers le hangar. C'est là qu'il déposait ses ustensiles. Entendant du bruit, sortant de son assoupissement, lourd et titubant comme s'il eût été aviné, le vampire avait cherché à s'enfuir. Mais M. Le Noël l'avait saisi et porté Armand dans la chambre duquel il voyait une lumière. On juge de l'horreur de M. Le Noël en voyant l'enfant mort et la comtesse râlant. Il éprouva une commotion d'autant plus terrible qu'Armand donna le spectacle d'une démence épouvantable. Prenant le vampire par les pieds, il lui écrasa la tête contre les murs, faisant voler le crâne en éclats et jaillir la cervelle par tout l'appartement. Il poussait en même temps des hurlements sauvages. Puis il piétina le corps de la comtesse avec un acharnement féroce. Monsieur Le Noël ne résista pas à ce spectacle. La même folie le saisit à son tour. Une heure après, deux fiacres escortés par des agents emmenaient à Charenton de fous furieux dont les 12 sergents de ville de Neuilly et toute la brigade de gendarmerie avaient eu beaucoup de mal à s'emparer. C'était Armand et Monsieur Le Noël. Telle fut la dernière scène du drame dont les péripéties ont été l'objet d'un long rapport au ministre de la Justice du Royaume d'Italie, qui voulait être édifié sur cette affaire en raison des faits dont Naples avait été le théâtre. C'est dans ce rapport que nous avons puisé les éléments de ce récit. Ainsi s'achève L'auberge maudite par Louis Noir.